Selon le journal d'internet sud-coréen Tongelius, les organisations civiles et sociales, notamment l'Action nationale pour la paix et contre la guerre et Légion pour la paix et la réunification, ont tenu le 13 une conférence de presse devant l'ambassade américaine à Séoul pour réclamer l'interruption immédiate des exercices militaires Kiri, Zolf et Aigle qui aggravent la crise de guerre dans la péninsule coréenne et la tension militaire en Asie Nord-Est. Par ailleurs, la solidarité des citadins pour une société démocratique a publié le 12 un commentaire contre les autorités sud-coréennes qui cherchent à transformer l'île de Jeju en base militaire synthétique.